بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأون كومونس إن شاء الله تعالى هذه الدروس سي كور دون لا لانغ عرب خاصة في au départ في التعبير le vocabulaire l'expression orale ولا يخفى أن تعلم هذه اللغة سمن أنفع ما يكون للمسلم ولطالب العلم بالأخص. Apprendre cette langue c'est مهم pour chaque musulman et pour celui qui veut avancer في العلم أكثر. فهي لغة القرآن c'est la langue du Coran ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم et c'est la langue de notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم ولغة أصحابه رضي الله عنهم et les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم كذلك ils parlaient avec cette langue les livres des savants de la communauté c'est en langue arabe celui qui veut avancer dans son dîn celui qui veut comprendre ce dîn فلا بد il est obligé de faire des efforts في هذا الباب حتى il comprend les textes. كذلك, il a accès à tous ces ouvrages de nos savants. كذلك, à notre époque, leurs cours, les comprendre. هذا c'est مهم. Il y en a comment comprendre une chose ici, notre din, si on ne comprend pas la langue de ce din. هذا c'est clair pour tout le monde. فلهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم apprenez la langue arabe elle fait partie de votre din هكذا روي عنه رضي الله عنه وروي كذلك عنه رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في اللغة العربية faites des efforts dans l'apprentissage de la sunna et كذلك faites des efforts dans l'apprentissage de la langue arabe. هكذا يكونسي امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذه الاثار فيها كلام من حيث الاسناد certains asanid de ces paroles فيها ضعف لكن شيخ الاسلام رحمه الله عليه il les a cités في كتابه النافع اقتضاء الصراط المستقيم. C'est un livre très très important. Et il montre dans ce livre les bienfaits de la langue arabe. Ce livre, à la base, Iqtida Surat al-Mustaqim, c'est une mise en garde de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi contre At-Tashabbuh bi al-Kafirin, A'da'illah. C'est une mise en garde contre le fait de ressembler aux kuffar. Il a écrit ce livre et il cite plusieurs points. Un al-Muslim, il ne doit pas ressembler au kafara. Et il a insisté, rahmatullah alayhi, هذا الكتاب, sur la langue arabe. لماذا لأن la langue arabe, c'est la langue des muslimines. C'est la langue du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé هذا القرآن بالعربية. Cheikh l'Islam, il montre أن chaque muslim, il doit donner la valeur, de la valeur à cette langue. Et ne pas délaisser cette langue pour une autre. فقال رحمة الله عليه après avoir cité كلام عمر رضي الله عنه لأن الدين فيه فقه أو فقه أقوال نعيد قال لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال الدين c'est fondé sur des paroles et des actes ففقه العربية هو الطريق إلى فقه الأقوال pour comprendre tous ces textes que ce soit du Coran et de la Sunna t'es obligé d'avoir cet outil, la langue arabe. قال وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه الأعمال. Et en faisant des efforts dans l'apprentissage de ton dîn, de la sunna, etc., tu comprendras كذلك ما يتعلق بالأعمال. فلا بد des deux. اللغة العربية c'est مفتاح العلوم. C'est la clé. Que ça soit في التفسير, que ça soit في الفقه, que ça soit في التوحيد والعقيدة. Que ce soit fi'ilm al-hadith, tout ça, tu as besoin de langue arabe. Les ouvrages, ils sont en langue arabe. les savants ils parlent l'arabe. Ben les textes, les deux sources, le Coran ou le Sunna, c'est en langue arabe. Si tu veux comprendre hada ad-din, haqqa al-fahm, tu es obligé de donner du temps et faire des efforts pour comprendre hadhihi al-wasila al-azim, ce moyen pour comprendre la langue arabe. Bien sûr, ça ne suffit pas. Les anna ba'd ad-dullal inharafu, ils se sont égarés en s'appuyant que sur la langue arabe. وبين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن انحراف المرجئة والقدرية والخوارج إلى آخره أي les sectes qui se sont égarés en islam, une des causes أنهم ils se sont basés sur la langue arabe فقط, et ils ont compris les textes qu'avec la langue arabe et ils ont délaissé la compréhension des salaf, et ça c'est de l'égarement. أما celui qui veut avancer dans son din فلا إفراط ولا تفريط, il fait des efforts dans la langue arabe. Et la langue arabe, c'est un outil, et كذلك, il est obligé de revenir à la compréhension des salaf. Et même pour revenir à la compréhension des salaf, tu as besoin de la langue arabe. لأن السلف لغتهم c'est العربية. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله سبحانه وتعالى il a révélé هذا القرآن en langue arabe. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, pour méditer, pour réfléchir. Tu es obligé d'avoir quoi? Cet outil, la langue arabe. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Fais des efforts, أخي الكريم. Fais des efforts في هذا الباب. C'est la clé, c'est le départ. Si tu veux commencer في العلم, فَعْلَمْ حَافِذَكَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الْعِلْمِ. Il y a une façon, il y a une méthodologie, il y a un comportement, il y a des choses par lesquelles il faut commencer, il y a des choses à éviter. Et al-muwaffaq, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il facilite, il donnera de l'effort, il donnera du temps et il fera des efforts pour apprendre la langue arabe. C'est la base, c'est le début. Walil asaf, kathirun min al-nas, ils veulent apprendre ad-din, mais ils ne donnent pas beaucoup de temps. Et ils ne font pas assez d'efforts pour apprendre cette langue. هذه اللغة العظيمة. Allah subhanahu wa ta'ala, في الحقيقة, il a favorisé, il a élevé cette langue par rapport à toutes les autres. لماذا لأن c'est la langue du Coran, ou le Coran c'est أفضل الكتب. C'est le meilleur des livres. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé en langue arabe. C'est la langue de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est أفضل الأنبياء والرسل بالإجماع بل c'est أفضل البشر et c'est un arabe et il parlait en langue arabe عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم c'est أفضل الأصحاب, c'est les meilleurs des compagnons, لأن le prophète صلى الله عليه وسلم c'est le meilleur des prophètes et il a été entouré des meilleurs des compagnons, les meilleurs hommes après les prophètes عليهم الصلاة والسلام. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين, et il parlait la langue arabe. هذه اللغة c'est أفضل اللغات. نحن doit donner du temps. ولو قليلا, celui qui peut pas donner tout son temps, ولو قليل, حتى إن شاء الله il avance قليلا قليلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة باللسان العربي, القرآن والسنة c'est en langue arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a chargé de transmettre ces deux sources et la révélation en langue arabe. وجعل السابقين الى هذا الدين متكلمين به, السابقون الاولون من المهاجرين والانصار, il parlait en langue arabe. قال ولم يكن سبيل الى ضبط الدين ومعرفته الا بضبط هذا اللسان. Il n'y a qu'un chemin pour comprendre Hadith Din. C'est en maîtrisant la langue arabe. Léla, comment tu veux comprendre une chose si tu ne comprends pas la langue de cette matière? Hatta fi dunya. Bardoum, ils font des efforts en anglais. Dans son domaine, il faut comprendre l'anglais. Et s'il ne comprend pas l'anglais, il ne peut pas avancer. Enfin, pour Din, tu es obligé de comprendre Hadith Al-Lura. Qala, Sarat. أي اللغة العربية معرفته من الدين أي هذا اللسان وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. Pour comprendre هذا الدين, on est obligé de comprendre l'outil, la langue de ce din, العربية. فلهذا البدع والخرافات والمحدثات دخلت في الأمة لما دخل الأعاجم. Comme il démontre كثير من العلماء أن beaucoup de bid'a sont rentrés après l'époque des Sahaba لما دخلت العجمة. Et beaucoup de gens ils se sont convertis, ils sont rentrés vers le din, بعضهم ils maîtrisaient pas la langue arabe et ils ont commencé à inventer des choses, à mal comprendre. فلهذا الأئمة ils ont fait beaucoup d'efforts pour transmettre cette langue. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه في الاقتضاء فإن النفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. Si tu as compris ma taqaddam, tu comprendras بإذن الله عز وجل أن la langue arabe elle fait partie du din. C'est la langue du Coran, c'est la langue de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie elle-même du din. Enfin, c'est pas qu'un outil, c'est un outil pour comprendre et كذلك elle-même elle fait partie du din. قال ومعرفتها فرض واجب. Et comprendre, apprendre, étudier cette langue, c'est obligatoire. فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Comprendre le Coran et la Sunna, c'est obligatoire. On verra que il y a plusieurs degrés في هذا. Les gens ne sont pas tous au même niveau. Enfin, si l'apprentissage ou la compréhension du Coran et de la Sunna c'est obligatoire, enfin, la chose qui va mener à cette compréhension, elle devient obligatoire, la langue arabe. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Si une chose elle est obligatoire et on a besoin d'une chose pour arriver à cette obligation, fait cette chose, cette wasila, cet intermédiaire, ça devient obligatoire. Et l'outil ici, l'intermédiaire ici, c'est la langue arabe. ثم منها ما هو واجب على الأعيان. هذا هو التفصيل في الحكم. On peut se poser la question, est-ce que la langue arabe c'est obligatoire? Et l'apprentissage de la langue arabe. Et en tafsil. Il y a une partie, c'est obligatoire pour tout le monde. فلهذا قال شيخ الإسلام منها ما هو واجب على الأعيان. Pour chaque musulman, c'est obligatoire. Chaque musulman, il doit savoir lire le Fatiha. Il doit comprendre. Il doit pouvoir prononcer al-shahada, tous les adhkar qui sont liés à salat, tout ce qu'il a besoin pour ses obligations. مثلاً s'il fait le hajj, il a besoin de dire certaines choses. فواجب عليه qu'il apprend ces choses en arabe. S'il a le qudra, bien sûr. Et petit à petit, s'il a du mal au départ, ça viendra. عَلَى كُلِّ حَالٍ نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا. On a une partie de la langue arabe, c'est obligatoire pour tout le monde. للأسف كثير من الناس, il récite le Fatiha et il ne comprend pas ce qu'il dit. Alors que le Fatiha, c'est une sourate qu'on récite tous les jours. Enfin, on doit essayer et faire des efforts pour comprendre. هَكَذَا الْأَذْكَارِ. لِأَنَّا comment tu veux méditer et avoir du khushu' dans ta salat et te concentrer si tu ne comprends pas? Comment tu veux avancer ton iman et monde si tu ne comprends pas? Et tu verras, si tu fais des efforts et tu commences à comprendre, tu verras une énorme différence. C'est en langue arabe. Si tu fais des efforts, tu réussiras à comprendre. Al-Khatib, il est à la sunnah. Ses khutab, elles sont fondées sur le Coran et la sunnah, fait cet estavid. Qala, rahmatullah alayhi, wa minha ma huwa wajibun ala al-kifaya. Et une autre partie de la langue arabe, et c'est la plus grande partie, elle est obligatoire pour certains. Pour les savants, pour certains étudiants en sciences, hatta, ils la transmettent aux autres. Enfin, c'est pas une obligation pour tout le monde d'étudier al-ajrumiyya ou al-alfiyya et de faire des efforts fi al-balagha ou al-nahu ou al-sarf jusqu'à atteindre un haut niveau. La ahad yaqul bihada min ahl al-ilm abadan. C'est pas une obligation. Lakin, le minimum de savoir lire, de comprendre pour talib al-ilm hada. Pour talib al-ilm, de savoir lire, de comprendre, avoir du vocabulaire. Hatta, on arrive à un niveau, on parle entre nous en langue arabe et on délaisse cette langue. Quelle que soit cette langue, autre que la langue arabe. C'est ça le matloub pour al-jami'a. On laisse Allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa al-tawfiq. Lakin, akhi al-karim, labud min al-sabr. Al-ilm, il faut du sabr. Que ce soit la langue arabe ou autre. Et la langue arabe akthar. Hassatan pour l'a'ajim. surtout pour les noms arabes. La prononciation, elle est nouvelle, les lettres, elles sont nouvelles. Au départ, il aura du mal à prononcer certaines lettres. Ne désespère pas. Fadlullahi wasi'. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Isbir faqat waljid wal ijtihad. Patiente, ça viendra. Wajtahid, fais des efforts. Al-istimrar, sois régulier. Et kadhalik, tu dois savoir comment apprendre cette langue. Avec tous ces points, bi-idhnillahi azza wa jal, tu avanceras. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, tu comprendras mieux cette langue, incha'Allah. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi muqaddimatihi li sharh al-ajrumiyya, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il donnait beaucoup d'importance à la langue arabe. Que ce soit ilm al-nahw, que ce soit al-balagha, que ce soit al-tafsir. Il donnait beaucoup d'importance à la langue arabe et tu le ressens quand tu écoutes ses durus et tu lis ses livres. Annahu, il était qawi fi hadha al-bab. Et ça l'a beaucoup aidé. Et ça a donné de la quwwa, de la valeur à ses ouvrages, rahmatullah alayhi. Qala, fa inna ilm al-nahw, ilm sharif, ilm wasila, yutawassal biha ila shay'ayn muhimmayn. Cheikh Ibn Uthaymeen, هنا السيت النحو لأن لليفغ الأجرومية سسر النحو النحو سلا غرامير وإلا son كلام في الحقيقة il est valable pour la langue arabe que ce soit la grammaire ou autre. Deux choses tu vas tirer de ces efforts que tu feras dans la langue arabe dans النحو ou autre. أولا قال فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, la compréhension du Coran et de la Sunna. Et c'est ça notre but نحنو, et ça doit être cela notre but à tous. La langue arabe, c'est pas une passion comme ils font certains. حتى بعض الكفار من المستشرقين وغيرهم, ils font des efforts dans la langue arabe, لأنهم pour eux c'est une passion إلى آخر. نحن لا, c'est pas ça le but. Notre but, ça doit être la compréhension des textes القرآن والسنة. ثانيا إقامة اللسان على اللسان العربي, pouvoir parler la langue arabe et éviter les erreurs, que ça soit des erreurs dans la grammaire, des erreurs dans le vocabulaire, des erreurs dans la prononciation. On doit faire des erreurs. On doit éviter les erreurs. On doit faire des efforts pour ne pas se tromper. على قدر الاستطاعة, chacun selon sa capacité. ثم قال رحمة الله عليه لكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل. C'est une نصيحة طيبة. علم النحو, la langue arabe en général, وعلم النحو بالأخص, c'est très compliqué au départ. Surtout si le mudarris, il a une mauvaise méthode, surtout si le professeur, il a une mauvaise méthode, ou il n'a pas le niveau, et il n'arrive pas à transmettre ses connaissances à ses élèves. Ça peut être compliqué au départ. Il y en a, c'est des choses nouvelles. Tu te demandes au départ comment tu vas faire pour comprendre. Lakin, esma, écoute cette nasiha de cet imam, ce professeur, rahmatullah alayhi, en langue arabe et autre. شيخ كبير في هذا الزمن شيخ العثيمين رحمة الله عليه قال ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي. C'est très difficile au départ, لكن concentre-toi sur les bases. Et في الحقيقة هذا c'est valable pour la langue arabe et toutes les autres matières. علم الحديث au départ c'est compliqué. علم الأصول au départ c'est compliqué. وهكذا toutes les matières. Lakin, si tu commences par le début, tu fais des efforts sur les bases, sur les fondements, et كذلك ترزق, un professeur, un mudarris qui arrive à te faciliter la chose, هذه c'est une ni'ma min Allah. Accroche-toi et fais des efforts. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ولا عبره بقول من قال ان النحو صعب. Et ça c'est un autre tambi. Et كثير من الناس, ils ont des manquements ou des faiblesses ou un manque de sérieux et ils n'arrivent pas à comprendre une chose, fait ils découragent les autres. فحذر, c'est pas eux l'exemple. لا, Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé هذا القرآن بالعربية إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous impose pas une chose au-dessus de notre capacité. Allah subhanahu wa ta'ala il facilite à ses serviteurs. Fais des efforts et écoute pas Haoula. Pourquoi c'est difficile le nahou pour cette personne qui prétend que c'est difficile? Cette personne n'a pas fait assez d'efforts. Elle n'a pas étudié le nahou comme il faut. Elle n'a pas eu la bonne méthodologie. Enfin, si elle n'a pas réussi, ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas réussir. Accroche-toi et fais des efforts. Et regarde pas ceux qui n'ont pas réussi, regarde ceux qui ont réussi. Combien de frères, des non-arabes, ils ont fait des efforts en langue arabe. Et aujourd'hui, ils parlent arabe, ils comprennent arabe. Certains, ils parlent bien, certains, ils parlent moins bien. Ils ont avancé. On fait des efforts, et on fait attention à ces obstacles. La langue arabe, c'est difficile, ou c'est trop tard, ou t'es plus jeune, ou tu travailles, ou tu dois t'occuper de ta famille. On ahdar min hada. Ça, c'est Iblis, yuharib. Celui qui veut faire des efforts fi dini, avec toutes ses choubas. Si tu veux avancer dans la langue arabe, une chose qui va t'aider, c'est husn al-niyya. Pourquoi tu apprends la langue arabe, akhil kerim? Comme on l'a cité au départ, les paroles de Cheikh l'Islam, c'est pour din. À chaque fois que tu fais des efforts, tu apprends l'alphabet, tu apprends des mots, tu apprends la grammaire, tu apprends la conjugaison. Nahou, as-sarf. Chaque effort que tu fais, si tu as une bonne niya, tu es récompensé. Limadha li'anna c'est min al-ilm. C'est une wasila pour apprendre al-ilm shar'i. Et tu es récompensé. Chaque assise, chaque effort, tu es récompensé. Si on a cette intention, qu'on comprenne ou pas, on est récompensé. C'est ni'ma. Et celui qui fait des efforts, il comprendra. Bi'idhnillahi azza wa jal. Lakin, même si on qaddar, on dit, matalan wahid, il a fait des années et il a rien compris de la langue arabe. Est-ce qu'il est perdant? Abadan. Indallah, yawm al-qiyama, s'il était sincère, il trouvera ajrun azim. La niya, c'est important. Al-ihtisab. Qala, rahmatullah alayhi. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لا يتمكن منه. Et ça c'est un obstacle et ça empêchera ce talib, cet étudiant d'avancer. أنه c'est trop compliqué, j'y arriverai pas. Enfin comment il va faire des efforts? Là, دائما أنت tu te mets dans ton cœur أنه c'est simple. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est karim. Et si un tel il a réussi, moi je réussirai. Et tu fais des efforts. Qala, fa inna hada laysa bi sahih. Qala Shaykh Ibn Uthaymeen, inna hada laysa bi sahih. C'est pas vrai hada. Celui qui arrive pas, ça veut pas dire que les autres ils vont pas arriver. Rabbama, il a pas réussi lui, c'est à cause de lui. Il a pas fait assez d'efforts. Il a pas suivi la bonne méthodologie. Il était pas régulier. Il a abandonné. Il a pas patienté. Non, il a pas réussi. Mais si toi tu évites ces choses, tu es sérieux, tu fais des efforts, tu patientes, tu révises, tu as une bonne intention, et inshallah tu as tous les ingrédients pour réussir. Qala rahmatullah alayhi fa inna hadha laysa bi sahih walakin rakiz ala awwalihi yashul alayk akhiruhu. Tu veux comprendre la langue arabe? Patiente, commence par le départ. Commence par les bases. Et petit à petit, tu arriveras à un niveau tayyib, inshallah. Même l'erreur que certains y font, Anahoum, ils veulent comprendre tout au départ. Au début, ils veulent tout comprendre. Ou ils étudient au départ un livre qui n'est pas adapté à leur niveau. Ça y est, taboun. À cause de ce mauvais départ, ils pensent que c'est impossible. Ou c'est trop compliqué. Ala kulli hal, hadihi al-muqaddima. Allez, résumer une brève introduction avant de commencer ces durous. Et on conseille nos frères al-inaya bi al-manhajiyya. La langue arabe, tu ne l'apprends pas comme tu veux. Là, il y a un programme à suivre. Il y a une méthode. Enfin, on commence par le départ. Enfin, ce n'est pas min al-hikmah de enseigner une chose à des élèves et ils n'ont pas la qudra de comprendre. Al-manhajiyya, c'est important. Kadhalik al-inaya bi al-lugha al-arabiyya bi akmaliha. Ne pas faire des efforts que fin nahou. Surtout pour l'a'adim, surtout pour les non-arabes. Les anna, la langue arabe, pour l'apprendre, ça dépend de cette personne qui veut l'étudier. Mathalan, un arabophone qui vit dans un pays arabe. Il a déjà du vocabulaire. Il comprend beaucoup de choses. À son niveau, huwa, la grammaire, ça va être bénéfique. Jidden, un nahou. Limadha li anna, il sait parler, lakin il fait des erreurs. Il met une dhamma à la place de al-fetha, il met une fetha à la place de al-kasra, wa hakada. Il faut qu'il règle sa langue avec de la grammaire. Qawa'id fil nahw. Hatta il sait que tel mot il faut mettre une dhamma, tel mot il faut mettre une kasra. Al fa'il il est marfou', al maf'oul bihi il est mansoub, wa hakadha. Al mudaf ilayhi il est majrour. Hada sayastafid. Amma al a'jami, واحد qui comprend rien de la langue arabe, hada il aura besoin de la grammaire et il aura besoin d'autre chose. Il a besoin de vocabulaire. Il aura besoin de sarf au départ. Sarf, c'est un ilm muhim. Et la conjugaison pour comprendre la construction des mots. Hakada, il aura besoin de mufradat, de vocabulaire. Hakada, il aura besoin de durus fi ta'bir pour communiquer. Et ma'ahada, na'am, al-nahu, des bases fi al-nahu, c'est tayyib. Quand il communique, matalan, quand il parlera, il saura que le mubtada, il est marfou'. Il dira, Muhammadun qa'im. Il dira pas Muhammad al-Qa'im. L'imad al-Annahu, il est mubtada. Et avec ses règles, petit à petit, avec du vocabulaire, et inshallah il avancera. Mais on a vu certains frères faire une erreur. Annahum yurakizuna ala al-Nahu faqat. Ils font que de la grammaire et ils ont un manque de vocabulaire. Et ils ont un manque dans l'expression orale, fi ta'bir. Et ils n'arrivent pas à parler. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Et fil haqiqa, hada, ça revient au mudarris. C'est le professeur qui doit pouvoir gérer ses élèves et leur donner ce qu'ils ont besoin et les conseiller. Kadhalik, on conseille nos frères, anahum, s'ils veulent faire des efforts dans la langue arabe, ne pas s'appuyer toujours sur les traductions. Et on a une génération de frères et de sœurs, anahum, ta'awwadu ala hada, ils se sont habitués aux traductions. Et rabama, le moindre mot, il faut qu'il soit traduit. Et ils ont délaissé la langue arabe. Ils écoutent des doros qu'en français, ils lisent des livres qu'en français. Ils parlent entre eux qu'en français. Ils n'avancent pas dans la langue arabe. Et ils n'avanceront pas. À ne pas se baser que sur la traduction. Dans les dorous qu'on fait ensemble, on essaie toujours de parler arabe-français. Ils ne comprennent pas et ils posent la question, mais pourquoi vous ne faites pas les dorous qu'en français? Là, ce n'est pas une solution de tout traduire. La bonne méthode, c'est de faire parvenir al-fa'ida à l'élève, qui comprenne. Et mélanger la langue arabe et la langue française, c'est une bonne méthode pour le non-arabophone. Hatta, à force, il comprendra certains mots. Et il fera des efforts. Et s'il n'a pas compris le mot, il fait des recherches. Amma, tout lui traduire, il n'avancera pas dans son din. Wa'alamu kadalik anna, il y a des choses, on ne peut pas les traduire. Ça ne se traduit pas. Labud min sharh, et revenir à kalam ahl al-ilm et essayer de simplifier, mais tout traduire là, khassatan fi ilm al-asma wa sifat, ilm al-aqida, on peut pas tout traduire. Il y a des mots en langue arabe, ils ont pas de traduction en langue française. La langue arabe, c'est une langue riche, il y a beaucoup de mots et tu peux pas traduire mot à mot. On conseille nahnu nos frères de faire des efforts fil arabiya et ne pas s'appuyer que sur les traductions, vouloir tout traduire là. Et certains mots, si tu les maîtrises en langue arabe, on n'a pas besoin de les citer en langue française. Il n'y a aucune hajj. Et bien sûr que ça aide au départ. Certains convertis, ou même autres, ils ne maîtrisent pas la langue arabe et au départ ils ont besoin de traduction. Mais on parle avec les années, avec le temps. Mais au départ, c'est tayyib. Tu lui traduis comment faire le salat. Qabla dhalik, on lui traduit, on lui explique al-shahada. Et on lui explique les fondements de ce din. Et après, comment faire salat. Quand le mois de Ramadan il arrive, on lui explique comment faire siyam. Lakin, des années, ce muslim ou cette muslima, ils n'ont fait aucun effort en langue arabe. Et ils sont encore accrochés aux traductions. Fahada, c'est un naqs. Kadhalik, un autre tambi, un endroit donné. Faire des efforts, fait tawhid ou l'aqida. Ne pas faire l'erreur que certains ils font que la langue arabe. Et des années que la langue arabe. La langue arabe, c'est un outil, c'est une wasila. Ça doit t'aider à comprendre. Hadha al-ilm al-azim, tawhid ou l'aqida. Et bien sûr, le fiqh, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ifrat ou la tafrit. La langue arabe, et kadhalik, on fait des efforts, fait tawhid ou l'aqida. Léanna, demain, on va mourir. Aujourd'hui, on va mourir. On mourra. Et ça nous salle. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. On doit faire des efforts fi ilm al-tawhid. Allah nous a créé que pour hada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faire des efforts dans la langue arabe. Et kadhalik faire des efforts fi al-tawhid, fi al-aqida. Kadhalik faire des efforts. Comment faire le salat? Celui qui veut faire le hajj, il apprend à faire le hajj. Celui qui a de l'argent et doit sortir zakat, il apprend comment sortir zakat. Mais si on doit attendre de maîtriser la langue arabe pour apprendre notre din, alors pas mal dans certains endroits, ils ont un cours par semaine, deux cours par semaine. Ça va peut-être prendre des années pour qu'ils maîtrisent la langue arabe. Est-ce qu'ils vont attendre des années pour apprendre leur din? Là, on n'exagère pas que la langue arabe et qu'on ne délaisse pas totalement. Un programme avec de la langue arabe, avec des durous fi tawhid, avec des durous fi al-fiqh wa hakada, fa fihi khair. Wa akhiran, on cite la parole de Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi al-jami' qala amma alladhi 'indahu waqtun li hifdh al-Qur'an. C'est une nasiha min imam tayyiba. Lana on a un autre problème l'an et c'est un obstacle kabir entre le musulman qui va apprendre son din. Cet obstacle, c'est le fitan, le qil, le qal. Pourquoi certains ils avancent pas? Les anna nuit et jour, un tel il a dit, Fulan il va faire internet et qil, qal, polémique. Ils avancent plus dans leur din. Qal al-Sheikh Muqbil, amma alladhi indahu waqtun li hifdh al-Qur'an. Celui qui a un temps pour apprendre le Qur'an, que ça soit chaque jour ou une fois par semaine ou deux fois par semaine, al-Muhim, il a un programme. Un temps pour apprendre le Qur'an. وقت للتأليف أو لمعرفة البحث. هذا سا نيفو سوبيريور. Pour طلبة العلم qu'ils ont avancé un temps pour faire des recherches إلى آخره. مثلا si c'est un مدرس pour préparer son cours وهكذا. ووقت لقراءة اللغة العربية. Un temps pour la langue arabe. Que ce soit un débutant ou autre. لأن حتى celui qui a avancé, il y a plusieurs livres. قال فإن قبل ذلك ووقت لتعلم الخط. Ça c'est important. كم من إخواننا ربما des années في السنة والاستقامة ولله الحمد et ils n'arrivent pas encore à écrire. Et هذا c'est un axe. On doit faire des efforts. La langue arabe c'est lire, c'est parler et c'est écrire. On doit faire des efforts في هذا. الخط والإملاء. كذلك si on arrive à écrire ولله الحمد, faire des efforts في الإملاء et l'orthographe. لأن il y a des erreurs la taliq. فقال un temps pour apprendre الخط, à écrire. ووقت للدعوة إلى الله. C'est important هذا كذلك. Ce qu'on apprend c'est pas que pour nous. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. On propage. Tu as appris c'est quoi معنى لا إله إلا الله, fait tu propages à tes proches. Tu as appris أقسام التوحيد, fait tu propages. Tu as appris comment faire الصلاة, fait tu propages. Et نحن on a une responsabilité. Et chacun selon sa capacité. On ne dépasse pas les limites, Fihad. Et on commence par nos proches. قال فإنه يضيق وقته عن هذه الأشياء ولم يبق له وقت للجدل والمراء والخصام. Celui qui est occupé par l'ilm, il trouvera plus de temps. Les polémiques, al-jidal wal-mira, c'est la polémique, wa al-khusumat, et polémiquer avec ahl al-bida, et défendre son nefs, et perdre son temps, al-an, iyadan billah, sur internet, sur les réseaux sociaux. Les ma'ala, les annahum, ils n'ont pas ce programme. Mais celui qui doit apprendre une page de Coran par jour, ou une demi-page de Coran par jour, et son frère, il l'attend pour réciter le soir, tu verras qu'il n'ira pas perdre son temps sur internet. Celui qui a un cours et il doit réviser, son professeur, il lui a dit d'apprendre par cœur ce hadith, ou cette règle, tu verras qu'il n'aura pas le temps de polémiquer, fil batil. Ar-rad ala ahl al-bida', ça fait partie de notre din. Lakin polémiquer, perdre son temps et défendre son neuf, ça ne fait pas partie de notre din. Ça, c'est min al-hawa. À ne pas tout mélanger. Et par l'amour, c'est واضح. Fulan, c'est un munharif. Alhamdulillah, c'est un munharif. On s'écarte et on avance. On va perdre notre temps, l'ayl, nahar. Et on ne connaît pas le Coran. On ne sait pas écrire. On ne sait pas lire. Là, c'est un aqs. C'est un aqs kabir, inda ahl al-ilm. Ce n'est pas une méthodologie, internet et les réseaux sociaux. Wallah. C'est min al-daya. Ça fait perdre du temps. La bonne méthodologie, c'est s'asseoir dans les assises. Et si c'est fait le masjid, c'est afdal. Et patienter. Et remplir des cahiers. C'est ça la bonne méthodologie. Réviser avec ses frères. Apprendre par cœur, l'apprentissage par cœur. Faire des efforts dans la langue arabe. C'est ça la bonne méthodologie. On se pose la question, pourquoi il y a beaucoup, l'époque où on vit, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de vaillères, beaucoup de pertes de temps. Les anna, soit tu fais des efforts et tu as un programme et tu avances fil il, tu n'auras pas le temps pour ces choses. Comme a dit le Cheikh Muqbil, il avait de l'expérience, rahmatullah alayhi. jihad al-bab. Il a eu beaucoup d'étudiants et il connaissait le fitan, il connaissait les causes. Et il nous les a cités. Soit tu as un programme et tu n'auras pas la place, tu n'auras pas le temps pour hada. Soit tu n'as pas de programme et tu seras la proie de ces fitan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa salam. Hayyakum Allah, et le prochain cours, on commencera ce livre, Kitab al-Ta'bir. Et on a choisi ce livre, l'imada. Comme on l'a dans cette brève kalima, à notre niveau, on a besoin de vocabulaire. Et ce livre, il est tayyib. Kitab al-Ta'bir, al-Mustawa al-Awwal, premier niveau de Kitab al-Ta'bir, c'est les livres de l'université de Riyad, fil Mamlak al-Arabiya al-Saoudiya. Et fil Haqiqa, ils ont fait un effort, un travail tayyib. Des textes, des mots, des dialogues, avec des exercices. À chacun de nous, il a besoin de hada. Hatta, on a plus de vocabulaire et on arrive à dialoguer entre nous. Fais un kitab, tayyib. Nassallah subhanahu wa ta'ala al-i'ana. Subhanak lahum hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.